Excellence de Marie et de son culte, par le révérend Père Dominique de la Mère de Dieu, Domenico Barberi, passionniste. Ouvrage traduit de l'italien, Maria Loggia, par François Labi, docteur en théologie, chanoine honoraire de la cathédrale de Tournai, professeur de théologie au séminaire de Tournai, tome 1er, édition Casterman, 1856, Markham d'anarchive.org 2023 d'après Books Google FR. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial. Partage à l'identique. Avis du traducteur. L'ouvrage publié sous le titre d'Excellence de Marie est intitulé en italien Maria Loggia. La traduction, faite sur les manuscrits inédits de l'auteur et en quelque sorte sous ses yeux, a été formellement approuvée par lui. La présente édition, revue avec soin, est augmentée premièrement d'une notice biographique du révérend Père Dominique, mort en Angleterre, il y a 6 ans, en odeur de sainteté, deuxièmement de la dédicace de son ouvrage à la très sainte Vierge, dans laquelle il mentionne les faveurs signalées qu'il a reçues de cette bonne mère, c'est pour ce motif qu'il n'en a pas permis l'impression de son vivant. Troisièmement enfin d'une instruction pour la fête de Saint-Joseph, qui fait naturellement suite à la série des instructions pour les fêtes de la très sainte Vierge, dans le tome 2. Pour tous les faits rapportés dans la notice biographique qui paraissent sortir de l'ordre ordinaire, je les crois appuyés sur des témoignages dignes de foi, cependant je soumets le récit que j'en fais au jugement et à la censure du Saint-Siège, qui sera probablement appelé un jour, et peut-être même sans tarder, à se prononcer sur les vertus et la vie du serviteur de Dieu. Février 1856. Notice biographique sur le Père Dominique de la Mère de Dieu, passionniste. Dominique naquit le 4 août 1793, d'une famille de mœurs patriarcales, mais peu aisée, des environs de Viterbe, dans les États romains, et reçut au baptême le nom du saint dont l'Église célèbre la fête ce jour-là. Ayant perdu ses parents fort jeunes encore, il fut recueilli par un oncle qui l'employa, dès qu'il en fut capable, aux travaux de la campagne. L'éducation du jeune Dominique fut bien loin d'être en rapport avec ses talents, il resta dans le monde jusqu'à 21 ans, sans apprendre des sciences humaines autre chose qu'à lire et à écrire. Il était néanmoins doué d'un esprit pénétrant et fort sérieux. L'ardent désir qu'il avait de s'instruire le passionnait pour la lecture, aussi toutes ses épargnes, fort minimes du reste, étaient-elles consacrées à acheter des livres. Sa mémoire était tellement prodigieuse qu'un soir, achevant de lire 70 vers de la Jérusalem délivrée, sur le champ il les récita d'un bout à l'autre, à force de se nourrir de la lecture de la Bible dans sa jeunesse, il la savait presque par cœur. Il se distingua dès l'âge le plus tendre par une grande dévotion envers la Sainte Vierge. Le jour même où il se vit orphelin de père et de mère, c'est-à-dire vers l'âge de 7 ans, il se mit sous la protection spéciale de Marie, la conjurant de lui tenir lieu de mère. Sa prière fut exaucée. C'est en effet à la sollicitude de cette bonne mère qu'il rend grâce d'avoir échappé au plus grand danger, tant spirituel que temporel, comme on peut le voir dans la dédicace de son livre à Marie. Il rapporte entre autres choses que, comme il se voyait un jour sur le point de devenir la proie de l'enfer, la Sainte Vierge, sans qu'il l'eût invoquée, vint à son secours. Prit sa défense en se constituant caution pour lui auprès de son divin fils, et le délivra de la sorte de ce péril extrême. Souvent dans les prières si affectueuses et si familières qu'il adresse à sa bonne mère, dans le cours de son ouvrage, Il lui rappelle en termes généraux ce qu'elle a fait pour lui lorsqu'il aurait voulu qu'elle ne fît rien. Et dans le moment même où il ne songeait plus à l'invoquer, en parlant du rosaire, il émet l'espoir qu'au jour du jugement il sera du nombre de ceux qui proclameront devoir leur salut à cette dévotion. Dans ces passages et autres semblables, le père Dominique fait évidemment allusion à un trait particulier et extraordinaire de sa vie. Tout nous porte à croire que ce trait n'est autre que celui qu'il raconte à ses en détail dans l'instruction pour la fête du rosaire. Tome 2, page 212. Il rapporte qu'un jeune homme d'une ville d'Italie, se trouvant atteint d'une maladie mortelle, fut tenté du plus affreux désespoir, croyant voir déjà l'enfer prêt à l'engloutir, et maudissant l'heure qu'il avait vu naître. Que Marie vola à son secours, mit les démons en fuite par sa présence, consola le malade, intercéda pour lui, et lui obtint, outre le temps de faire pénitence, une multitude d'autres grâces. Il ne faut pas inférer de tout cela que Dominique se soit laissé aller aux écarts de la jeunesse. On sait que les moindres fautes paraissent très grandes aux yeux des saints, le démon, qui prévoyait peut-être dans le pieux jeune homme un terrible adversaire a pu lui exagérer encore de légères infidélités pour tâcher de le perdre par le désespoir. La conduite de Dominique en effet, tant qu'il vécut dans le monde, fut non seulement irréprochable aux yeux des hommes, mais édifiante et exemplaire. Tous les dimanches il se retirait chez les passionnistes de Saint-Ange, à une lieue et demie de Viterbe. Dès 5 heures du matin, on le trouvait à la porte de l'église, il faisait paisiblement sa méditation en attendant qu'on vînt ouvrir. Puis, après avoir adoré le Saint-Sacrement, il se rendait dans la chapelle de la Sainte Vierge, où il se préparait à la confession et à la communion. Il prolongeait ensuite son action de grâce jusqu'à la messe du prône qui se célébrait à 10 heures. Un jour qu'il venait de communier et qu'il était en prière devant l'image de Marie, il vit une lumière extraordinaire, et il entendit distinctement une voix qui lui disait « Tu seras passionniste, et tu iras en Angleterre pour y établir plusieurs maisons de cet ordre. » Il lui fut dit, en outre, quelques paroles au sujet de la Hollande, mais il n'en comprit pas entièrement le sens. Or, jamais, jusque-là, il n'avait songé à entrer chez les passionnistes, et beaucoup moins encore à passer en Angleterre. Mais, dès ce moment, il fut convaincu qu'il irait un jour dans ce pays et qu'il y établirait l'institut. Il commença par consulter son directeur, le révérend père Joseph Marie, passionniste, devenu depuis vicaire apostolique de Bulgarie. Ce religieux, fort expérimenté dans les voies de Dieu, l'envoya au provincial. Dominique va trouver ce père, se jette à ses genoux, et, les larmes aux yeux, le supplie de l'admettre en qualité de frère laid. Le provincial l'embrasse, l'encourage, l'exhorte à prier, et, après un certain temps d'épreuve, consent à l'accueillir. Dominique entra au noviciat à Paliano, diocèse de Palestrine, d'où les novices furent transférés quelque temps après dans la charmante solitude du Mont Argentaro, en Toscane. Dominique y fit sa profession à la fin de la Grande Guerre européenne, il avait 22 ans. Bientôt, le maître des novices, remarquant en lui une vertu et des talents extraordinaires, le fit admettre au nombre des clercs. En moins d'un mois, Dominique apprit la grammaire latine d'un bout à l'autre, et, après un an de noviciat, il faisait sa profession religieuse. Ses progrès en philosophie et en théologie furent tels que plusieurs savants religieux crurent et croient encore qu'il était éclairé du ciel d'une manière extraordinaire. À l'aide de sa prodigieuse mémoire, il acquit une connaissance merveilleuse du droit canon. Il fut chargé pendant plusieurs années d'enseigner la philosophie, et au milieu de ses fonctions, il composa un cours complet de cette science pour servir d'introduction à la théologie. Il avait fait le vœu de ne jamais perdre de temps, et toujours il l'observa avec la plus édifiante exactitude. Il se levait à 1h30 du matin, au moins pendant l'été, après avoir récité le Saint-Office et vaqué à l'oraison, il étudiait jusqu'à l'heure de sa messe, que jamais il ne manquait de célébrer, pas même étant malade. Plus tard, il professa la théologie au couvent de Saint-Jean et Saint-Paul à Rome. Ce fut alors qu'il composa une théologie morale, remarquable par la méthode et très propre à l'enseignement des séminaires. Quant à la doctrine, elle diffère peu de celle de Saint Alphonse de Ligorie. Il rédigea également un résumé de théologie dogmatique, contenant un traité qui concilie les diverses opinions sur la grâce et le libre arbitre. Il fut un des premiers, à Rome, à faire remarquer les effrayantes tendances de Monsieur de La Mesnaye que presque toute l'Europe applaudissait alors, et il eut la consolation de voir tout de suite son opinion partagée par Monseigneur Acton. Il a composé un très grand nombre d'écrits, les principaux sont les cours de philosophie et de théologie morale dont nous avons déjà parlé, un Epitome Juris Canonici, un cours de rhétorique ecclésiastique, l'Excellence de Marie, en 2 volumes. Plusieurs vies des membres les plus marquants de la congrégation des passionnistes, des sermons, des retraites, des instructions familières et sujets de méditation sans nombre, une quantité de traités de controverses, et de petits traités sur les sujets religieux les plus intéressants. Si la plupart de ces ouvrages ont fait peu de bruit, c'est que l'humilité de l'auteur et la privation de ressources pécuniaires l'ont empêché de les produire. Ils se distinguent tous par la clarté et la profondeur jointe à l'originalité et à une grande richesse d'imagination. Pendant 25 ans, il prêcha au moins 2 fois chaque semaine. Il était singulièrement recherché pour les missions et les retraites, soit dans les communautés d'hommes ou de femmes, soit dans les collèges ou séminaires. Sous le pontificat de Léon XII, il prêcha à Rome une retraite à laquelle assistaient des cardinaux, des prélats avec de simples ecclésiastiques, et même des laïcs. Il s'en acquitta d'une façon merveilleuse, qui faisait dire au cardinal Odescalci, l'un des retraitants, « Je ne puis comprendre comment le père Dominique sait traiter chaque sujet de manière à le rendre en même temps propre à toutes sortes de personnes. » Il passa par les charges les plus importantes de sa congrégation, il fut élu plusieurs fois provincial, et exerça pendant 3 ans à Luc les fonctions de recteur. S'il fut resté en Italie, il eût été probablement élu général de l'Institut. Étant provincial, il trouva, dans les archives d'une maison qu'il visitait, sa vie écrite par lui-même. D'après le commandement de son ancien directeur, il profita de ce qu'il n'était plus tenu sur ce point à l'obéissance, et il brûla l'intéressant manuscrit. Il demeurait convaincu qu'il irait en Angleterre, et cependant jamais il n'en avait fait la demande à ses supérieurs. Quand l'établissement du monastère belge fut résolu comme préparation aux fondations à faire en Angleterre, le général, qui déjà avait arrêté le choix d'un supérieur pour cette colonie, changea tout à coup la nomination, et, sans avoir été influencé, désigna le père Dominique. C'était un commencement de réalisation des vœux et des pressentiments de ce bon père. Nous rappellerons ici qu'en 1834, étant provincial en Italie, et faisant ses visites à cheval, il tomba dans une rivière en passant un pont. Le danger était extrême, le cavalier était dans l'eau sous sa monture, sur le point d'être asphyxié, il se disait encore, Je ne puis mourir ici, je n'ai pas encore vu l'Angleterre. Il portait sur lui la médaille miraculeuse qu'on lui avait envoyée de France, il la perdit dans sa chute. Mais le lendemain, elle fut retrouvée sur le bord de la rivière et rendue à son pieux possesseur. Cette conviction où il était qu'il verrait l'Angleterre, paraît avoir été profondément enracinée en son esprit par un autre fait merveilleux. Peu de temps après son ordination au sacerdoce, étant sur le point de commencer sa préparation à la messe, il vit tout à coup un fervent religieux de son ordre, que la mort venait d'enlever depuis peu. D'abord, le père Dominique éprouva quelques sentiments de frayeur, mais voyant ce bon religieux souriant et tout resplendissant de lumière, il lui demanda s'il était déjà au ciel. « Oui, lui répondit-il, avez-vous quelque grâce à solliciter ?» Le père lui en détermina une qu'il assura depuis avoir obtenue, et, d'après l'opinion générale de la congrégation, cette grâce n'était autre chose que la faveur d'aller travailler en Angleterre. Or, en 1840, il quitta l'Italie avec 3 prêtres de son ordre et vint droit au diocèse de Cambrai, où il fut accueilli par Monsieur l'abbé Bernard, actuellement vicaire général. Celui-ci eut bien voulu établir les passionnistes à Boulogne, mais le gouvernement alors existant ayant suscité des difficultés qui semblaient insurmontables, il fit tous ses efforts pour les fixer au moins aux portes de la France. Grâce à ces démarches, feu Monsieur du Bois-Fournier, riche propriétaire dévoué à toutes les œuvres catholiques, de concert avec la baronne de Croiset, de Valenciennes, leur procura pour retraite un château situé à Eyre près de Tournai en Belgique. Après avoir ébauché pendant plus d'une année cette fondation, déjà entouré de l'estime et de la confiance du clergé de Tournai, dont il était devenu comme un guide et une lumière, le père Dominique put enfin réaliser son vœu le plus cher et s'embarquer pour l'ancienne île des Saints Monseigneur Wiseman l'attirait, par les plus instantes sollicitations. Le fervent missionnaire, après avoir été, dès l'année 1840, reconnaître le vaste champ où son zèle était impatient de s'exercer, arriva à Londres au mois d'octobre 1844, et se rendit au collège de Scott. Le 17 février de l'année suivante, il s'établit avec un de ses compagnons à Aston Hall, près de Stone, dans le comté de Stafford. Pendant les 8 ans que le père Dominique passa en Angleterre, il bâtit une chapelle à Stone, établit ses religieux à Worcester, en le comté de Gloucester, et enfin commença un monastère à Hampstead, près Londres, espérant en outre faire une fondation dans le comté de Lancaster. Mais le Seigneur en avait autrement décidé. Le lundi 27 août de l'année 1849, après avoir célébré les saints mystères, il quittait Hampstead dans la compagnie d'un de ses religieux, pour visiter le couvent de Worcester. Un peu avant la station Pangbourne, il se sentit gravement indisposé et descendit du convoi. On s'efforça de le faire admettre dans un hôtel, mais comme son divin maître, il fut repoussé, sous prétexte qu'il n'y avait pas de place, il fut donc transporté dans une pauvre chaumière où, pendant 1 heure, il demeura étendu sur de la paille. Les douleurs étant calmées, on le remit en route par un convoi qui se dirigeait sur Londres, il ne put aller que jusqu'à Reading, là, une crise violente étant survenue, il expira à 3 heures après-midi, à l'hôtel du Railway, dans les bras du père Louis, son confrère en religion, qui, par défaut de santé, avait été forcé de revenir d'Australie. C'était un ange que le Seigneur lui envoyait des extrémités du monde, pour recueillir son dernier soupir. Le père Dominique était âgé de 56 ans. Ses restes furent transportés à Londres le mardi, puis à Stone dans la chapelle qu'il avait bâtie auparavant. La bière fut alors renfermée dans un cercueil de plomb, et il fut résolu le jeudi 30 que le lendemain on porterait solennellement le corps jusqu'à Aston, à 1 mille de distance. Bien qu'on ne l'eût pas annoncé, de grand matin la chapelle de Stone était encombrée de pieux fidèles, tous en deuil, une messe fut célébrée, puis le cercueil fut placé sur un char funèbre. Il était suivi non seulement de catholiques de toutes conditions, mais de beaucoup de protestants qui marchaient d'un pas grave et solennel. À Aston, le cercueil fut élevé sur un catafalque dans le cœur de la nouvelle église. Un pieux prêtre séculier, le révérend Jean Carkness, prononça l'oraison funèbre, qui fit répandre à l'auditoire des torrents de larmes, et la cérémonie finit. Le corps fut déposé dans une tombe ouverte au pied du maître-autel. Toutes les congrégations catholiques prirent spontanément le deuil. La grande douceur du Père Dominique, sa condescendance portée jusqu'aux dernières limites de la charité, ses vues larges et saintement libérales dans ses rapports avec nos frères séparés, attirèrent à la foi catholique un grand nombre de protestants, parmi lesquels on compte plusieurs personnages de distinction. Monsieur d'Alguerne, puséiste, de la maison de Littlemore, près d'Oxford, avait eu avec le père Dominique une correspondance sur la doctrine catholique. Il reconnut humblement qu'il était dans l'erreur, vint à Aston, où il rentra dans le sein de l'Église le jour de Saint-Michel de l'année 1845. Quelque temps après, le père alla à son tour à Littlemore visiter M. Dalgerman et ses intéressants amis. Il arriva tard dans la soirée et tout trempé de pluie. Il fut reçu par M. Newman, qui, se jetant à ses pieds, le conjura tout à l'instant de recevoir son abjuration. Tous les nuages qui jusque-là remplissaient son esprit venaient de s'évanouir. Il tint à se confesser au père le soir même, et le lendemain il recevait la Sainte Communion de sa main. Cet exemple fut suivi par plusieurs compagnons du célèbre Newman. Le père Dominique était un modèle de respect pour les supérieurs religieux et ecclésiastiques, comme pour l'autorité civile. Sa vertu dominante était l'humilité, qui lui faisait fuir avec horreur toute singularité. Les fautes qui lui échappaient provenaient toujours de sa bonté ou de son zèle, et il s'en humiliait sans tarder. C'est cette humilité profonde et continuelle qui attira tant de bénédictions sur son admirable ministère, qui a quelque chose de l'apostolat d'Augustin, le missionnaire de la Grande-Bretagne. Après la mort du père Dominique, son autorité de provincial a passé entre les mains du père Ignace de Saint-Paul, qui n'est autre que Lord Spencer, dont la conversion à la foi catholique a surpris l'Angleterre et édifié toute l'Église, il y a près de 26 ans. En 1830, peu de temps après son retour à l'unité, Monsieur l'abbé Spencer vit à Rome même le père Dominique, qui jamais n'avait eu l'occasion de s'entretenir avec un seul Anglais. Depuis lors jusqu'en 1846, cet ecclésiastique avait souvent songé à embrasser la vie religieuse, sans jamais penser à l'Institut des passionnistes. L'attrait pour cette congrégation lui vint de la manière la plus douce et la plus irrésistible à la pensée seule du père Dominique, qu'il voulait consulter sur sa vocation. Il alla donc trouver le père, qui l'accueillit avec bonté et l'admit au nombre des novices. Il ne savait pas qu'il recevait en lui son futur successeur. Le père Dominique jouissait de son vivant même d'une haute réputation de sainteté. Les faits que nous allons rapporter sont bien propres à prouver que l'opinion publique ne s'était point trompée à cet égard. Nous avons dit que le corps du père Dominique avait été inhumé dans l'église du couvent d'Aston. 5 ans après, C'est-à-dire au mois d'octobre 1854, les passionnistes devant quitter cette retraite, la première pensée du provincial fut d'emporter les précieux restes du vénéré défunt. Vu l'espace de temps qui s'était écoulé depuis sa mort, on s'attendait à ne trouver plus que des ossements desséchés, mais, à l'étonnement de tout le monde, lorsqu'on ouvrit le cercueil, on trouva le corps intact, vermeil et parfaitement flexible. Ce fait est d'autant plus extraordinaire que le père Dominique ayant succombé à un mal subi et violent, qu'on ne sut comment qualifier, son corps prodigieusement gonflé était aussitôt entré en décomposition. Il avait fallu se hâter de l'enfermer dans un double cercueil, et encore ceux qui l'approchaient avaient-ils peine à en supporter l'odeur. Le corps revenu à son état naturel fut conservé dans une simple caisse de bois et transporté dans un autre couvent. Il repose maintenant revêtu de l'habit des passionnistes dans une chambre du couvent de Sainte-Anne, près Sutton, diocèse de Liverpool. On a fait de nouveau l'ouverture de la caisse au mois de janvier 1855 et à la fin du mois d'octobre suivant, et chaque fois on a trouvé le corps flexible et intact, mais les chairs commençant à se faner et à noircir. À cette conservation merveilleuse du corps se joignent d'autres faits non moins surprenants. Nous ne parlerons point d'une apparition de ce serviteur de Dieu à un peintre, de ces anciens pénitents, occupés dans un couvent de l'ordre en Angleterre à faire le portrait du défunt. Contentons-nous de mentionner celle dont il favorisait un de ses confrères en religion, qui remplit dans la congrégation des fonctions de supérieur. La première fois qu'il lui apparut, c'était un matin, il l'entretint fort longuement, lui donna des instructions et des règles sur la manière de gouverner. Lui parla de la conduite de plusieurs religieux et entre autres d'une affaire tout à fait secrète et dont l'issue fut telle qu'il l'avait prédite. Il apparut de nouveau le lendemain comme pour confirmer l'apparition de la veille. Le supérieur qui s'était promis, le cas échéant, de lui adresser plusieurs questions, ne put proférer une seule parole. Cela se passait dans le couvent de l'Annonciation à Woodchester, comté de Gloucester. Ce couvent étant abandonné par les passionnistes, le supérieur fut choisi par le visiteur général pour aller prendre possession à Broadway, village du comté de Worcester, d'un petit local appartenant aux bénédictins et dont les passionnistes voulaient faire l'acquisition. Le supérieur, quoique dépourvu de ressources, fut chargé de disposer aussitôt ce local et de l'agrandir à l'effet de recevoir le noviciat. C'était au commencement d'octobre 1850. Il manquait d'argent, cependant se confiant dans la Providence, il mit la main à l'œuvre et le 14 décembre de la même année le couvent fut terminé. De plus, un autre terrain fut acheté. La petite église des bénédictins fut agrandie, deux écoles furent construites l'une pour les garçons, l'autre pour les filles, de sorte que la dépense totale s'éleva à 7000 livres sterling, 175 000 francs. Dieu avait béni l'entreprise d'une manière extraordinaire en envoyant l'argent aux besoins. Néanmoins, les vertueux et modestes religieux craignaient sérieusement que le supérieur n'eût enfreint le vœu de pauvreté, à cause de l'énormité de la dépense, bien qu'elle fût couverte, lui-même n'était pas exempt de graves inquiétudes à ce sujet. Un jour au matin qu'il était à réfléchir sur sa déplorable situation, le père Dominique apparut subitement dans sa chambre, soulevé de terre, et tout environné de lumière, il se mit à lui adresser des paroles de consolation et d'encouragement, l'assurant que tout allait bien, qu'il n'avait qu'à continuer. Tout en parlant, il se rapprochait insensiblement de la fenêtre comme en volant. Le supérieur voulut le retenir. « Ne me quittez pas si tôt, lui dit-il, dites-moi encore quelque chose. Oui, ajouta le serviteur de Dieu, allez en avant, prenez courage, ne vous laissez point abattre, et il disparut, comme en s'envolant vers la fenêtre, qui était fermée. Février 1856.